L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le dimanche 1er juillet, plongé dans un univers steampunk à Pagnet derrière Barine et chez Paulette. Patrick Mansuit, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de cette journée qui va donc se dérouler dimanche 1er juillet chez Paulette et dans le village de Pagnet derrière Barine. C'est la première fois que vous organisez un tel rendez-vous ? Effectivement, c'est la première fois qu'on organise ce genre de rendez-vous sous la forme steampunk. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les dominicultes de chez Paulette. Alors, le steampunk, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ? Alors, le steampunk, c'est un mouvement, on va dire, qui est né à la révolution industrielle. Ce sont des adeptes de tout ce qui est énergie naturelle, vapeur, ballon dirigeable et tout, et qui auraient aimé aller vers un avenir avec ces énergies naturelles. Voilà, c'est un peu ça, le steampunk. Alors, cette journée-là va permettre de transformer Pagnet derrière Barine et chez Paulette dans cet univers-ci. Comment ça va se traduire sur place ? Alors, sur place, ça va se traduire sous forme d'exposition. Donc, il y aura à peu près une quarantaine d'exposants qui seront des créateurs et qui feront toutes sortes de choses, bijoux, sculptures et tout, dans le monde du steampunk. Il y aura aussi ce qu'on appelle les vaporistes. Les vaporistes, ce sont les gens qui se costument en steampunk. Donc, ça peut aller du victorien au Jules Verne. Et puis, il y aura aussi le fardier de Cugno qui sera là, puisque c'est la première machine à vapeur de Cugno qui est à voie vacante. Alors, une quarantaine d'exposants, vous venez de le dire, sont tous de la région ou ils viennent d'un peu plus loin ? Les exposants ne sont pas tous de la région, parce que le mouvement steampunk est très étendu. Hein. Le mouvement steampunk, ce n'est pas un pays, c'est une époque. Donc, moi, j'ai des exposants qui viennent du Luxembourg, de la Belgique, de Suisse, de Bretagne, de Normandie. Voilà, c'est assez étendu. Hein. Les exposants viennent d'un peu loin, on va dire. Alors, c'est le dimanche 1er juillet, de 9h à 21h. L'accès à tout ça est gratuit ? L'accès est gratuit, effectivement, oui. C'est ouvert 9h à 18h pour les visiteurs, on va dire. Cette organisation est faite en partenariat avec chez Paulette et le comité des fêtes de Pagnet derrière Barine. Donc, les exposants sont à la fois répartis dans la salle de chez Paulette, pour, on va dire, oui, les exposants qui ont des choses un peu plus fragiles. Et les autres seront répartis dans la rue principale de Pagnet derrière Barine. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs pour leur donner envie de venir découvrir cette animation et puis aussi le village de Pagnet derrière Barine et chez Paulette, bien sûr, que beaucoup connaissent déjà. Oui. Aux auditeurs, je leur dirais que voilà, s'ils ne connaissent pas le steampunk et qu'ils veulent se plonger dans un monde de création et de créateurs, parce que les gens qui se costument en steampunk, en vaporisme, sont des créateurs aussi, puisqu'ils se sont créés un personnage et se sont créés leur costume. Donc, je dirais aux visiteurs, venez faire un tour et venez vous rendre compte de ce qu'est le monde de steampunk. Voilà, ça sera, quoi qu'il arrive, des paysans. Tout à fait, oui, tout à fait. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet ce qu'est le steampunk, vous verrez que c'est très intéressant. Alors, rendez-vous le dimanche 1er juillet, c'est à partir de 9h, donc, dans le village de Pagnet derrière Barine et chez Paulette. Patrick Mansuit, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.